Demande à Echo, 16 rimes de ouf sous ma jupe Echo 16. J'suis scrapper chelou, calibré sous le kit. À la messe que du pèse quand j'mitraille au M16. Et quand vient même saisir l'occasion avant qu'ils aient l'occasion de me saisir. En train de flamber en boîte, j'veux pas caler bande d'enfoirés avec une 16 dans la main droite. 64 douilles éparpillées, c'est course poursuite, gyrophare, les genoux pliés. Hors de question de se rendre ou de s'oublier. La horde en question doit blanchir tous les sous grillés. Pas le temps de roupiller, sniper sur building au carrefour à 13h. On fait la une aux infos, rouge berline dans le viseur. J'pilote comme un fou, sur point limité, neurone, chronique, voie lactée, scénario répété. De 40 sous l'orage, la corde des otages, des flingues, des dingues, des putains de tueurs à gages. Direction la frontière, ce sera la mort ou la cage, bien l'amour sur une plage. Je me suis fait péter lors d'un dîner. Depuis quelques mois ici, chaque jour se répétait. Au bord des nerfs, ce matin-là sort de l'ordinaire. Pas au point de me douter qu'un vent funeste soufflait sur ma tête à l'ouest depuis belle lurée dans le coma. Rien pour colmater ces trous dans le Vosaire. Le vague souvenir d'un rêve, ce revolver, ce frisson dans le dos. Mon départ est prévu pour 8h. La nuit est longue et dans l'attente, je me languis. En guise d'un peu d'oseille, j'ai perdu le sommeil. J'attends la pascule de l'horloge, les pas du RSS. Les murs ont des oreilles, je les rase, jamais en terrasse. Des horaires, des ordres, genre hier, très tard dans la forêt. Ma taupe dit que je les aurais, plus au cul que je ne saurais. J'parlerai ma taupe, trop de rêves, puis lundi, indice. Des petits détails, sur les routes que j'adopte. Des caisses qui détalent, elle dit que l'état a dos. Ici détails, j'ai Alaska ou quoi, ici ça caille. C'est embuscade qui l'orchestre, ils étudient mon cas. La route est longue sans escale, j'en chope des escars. Se clarifie la scène, j'crois que le sort me scarifie. J'en perds l'usage de ma langue, s'ils ne l'ont pas, j'ai coupé. Paraît qu'ils remettront l'Oscar à ces bâtards avec qui j'dinère. J'vois ça d'ici, plié dans ce car, une putain d'escorte. Le diable est si disciplinaire, te corps des fils de pute, censé effectuer mon transfert disciplinaire. J'dissipe l'image, ni air ni décor. Comme nulle part, infernal déport. Autour de moi des porcs, morts, c'est glorieux pour mon départ. Les tatous, les dames attendent, les tatars au cul, rien ne m'attendrit, peu d'entrain. J'attends en terre un neutre, dans le ventre un nœud, partout je garde un œil. Si pourris savent si bien faire taire un meurtre. Ouais. Les vlas qui se pointent. Je m'avance vers un deux, le vlas qui me pointe. Merde. Ma mère avance vers un deux. J'insiste, je vous rincerai pas. Pisse sur votre enseigne, comme sur vos insignes. En plus, vous passerez pas. Sans aucun coup de schmitt, t'es partout. Je te sens venir à 200 comme un coup de schnitz. C'est à quoi m'en tenir, oreille tendue à chaque coup de fil. Je manque de temps, reste beaucoup de schnitz. Tu vois où je dois en venir, ranger avant qu'on se rende dedans. C'est quoi, promesse de pute, ils tiennent ras de mots, ils veulent que je raque. Mais ça, c'est pas possible. Ils m'ont buté comme un kleps dans un bois sous une butte. Pleine boîte dans le corps, putain de merde. À grands pas dans le corps, prends le butin, merde. Je l'ai pensé tout à l'heure dans le coffre. J'ai même pas prié. Pourtant, je sais que devant la mort, je vais pas briller. L'état m'a tué comme du papier. Pourtant, j'ai même pas crié. Pleine balle dans le corps, pas dans le corps, plein gaz dans le corps. Sale viré. Un peu lointain média, les diables enfilés pour un destin erré, les diables dans l'immédiat. Un peu lointain média, les diables enfilés pour un destin erré, média. Séparé par une ligne médiane, sous tous les ans, pourri on est pareil. Disparaît tout ce que tu mens, décéder les sangs. Non, non, non, ces négros est bien plus froid. Je les regarde, ce putain de métro. Annie Corse en fils, 2003. Écoute les gars, je pense à toi, moi. Caïd au mic et de cocaïnomane. La coupe s'incline, couse frière. Ma vie de nomade, la vie en déclin. Des kleps, avis de mots mat. La même panique au bout de 5 lignes. Envie les blindes éclairs parce que c'est pas comme as. J'ai envie de clams, comme envie de connasse. Et envie de classe, vie de kleps. Envie de string, pas tant de vivre. Pour l'instant c'est à masse. Et envie de trine, vite crier, trier quand je vois la masse. Et envie de rire, envie de rire. Écho parce que c'est lointain. Pour l'égal, elle m'écoute mes joints dingues. Un son de fou, négro parce que c'est au moins dingue. Et on te fout au moins deux. Musical, m'en parlant, je suis si calme. C'est avant que tu parles que je tue ligament. Et avant que tu partes, d'un geste brusque, je baisse l'élégance. D'un écho légal, la thèse des freux, elle est quand laisse les freux, c'est en quantité. Rap pour la faire partir, pas me dire à quand dis-tu rap réel. Et rien à redire, même strap quand je titule. Néant c'est pour le stud, bouche béant quand je méant et pour le stup. Pleine séance pour l'instant je tue. Bande de PD, y'a un banc de touche. Vous êtes tous blancs sur la bande, le blanc touche. Nique le rep et ses plans de douche. Bande de PD, piche pitou. Fait que ça pense sans doute, bref là. Elles sont toutes, c'est tout des c'est tout des raids là, c'est tout. Faut peut-être j'aille au raid mort. Pute de vie, c'est chaud et ça fait un cul de poisson. Comme ça s'arrête ma main. putain, dire que ce mec c'était mon frère, aujourd'hui rêve de m'enculer. Bah viens, on va lui montrer que c'est qu'un rêve. Un rap de fils de pute, bien que je sois loin de l'être. Quand tout dérape, que je rate mon but ou que j'ai bu bien des litres. A Berry, je distribue des trempes. Rip, rip MC si tu veux pas qu'on te bute. Agrippe ton Beretta ou rampe. Plante-toi à l'abri des brides. Rap écrit de pute, on sort de sous les dettes. Oh, tétard jusqu'au tétard, fêtard dans mes valseuses. Pas je te baisse, boulot t'envoie valser. Passe la pétarde, moi j'ai le pétard. Vois Sky comme de la valse, groove de la veille. Dans ce mode ovaceux qui tourne par rond sauvage, jamais ouvert. C'est le rupteur, pétage star, pétard d'état. Et pute de vis, c'est rupture, rap tu. Et pute de vis, pute de vis, pute de vis. Dès les premiers pas, ça parle mal, colère. Lavé par les larmes, départ de l'âme. Puis on rejoint le calme, à part les larmes, c'est radical. Alcool et y'a la dalle, sous l'alcool, on chichonne, puis ça chicane. On a le chiffre pour faire du chiffre, on chiffonne. Quand y'a la dalle, prêt à piler pour quelques pennies. Pas question de chiner, on s'offre au chétan, cherchant la combine, strapiner. J'pose des trottoirs dans le rap pour que ces putes puissent tapiner. Tu veux des vrais, des frayeurs, faux frères, balance ta merde. Dans ce que t'écoutes, tout est à chier, ta radio. Lorsque t'écoutes, regarde plus de clips, sois plus à gêne. Balance ta merde, dis-lui adieu, y'aura plus de clips. Dans son vagin, tout est à chier, on aura plus de clips. J'traque complètement la rage, la vraie substance. Complètement, même si vous êtes taché, gâchis, ATH. Comment hachis, Bachir, j'lope, ouais, ouais. Le filet, MST pour te la filer, salope. M hostile pour faire mouiller, fillette. Si on entend même pas l'Eden, sur Interpol entre Saddam et Ben, à mon épaule, je suis soudé. Même si Saddam est bon et que la haine domine, Saddam peut ses comportements d'homme. La vie s'écrate comme une sodomie. Et je compte le nombre d'années d'âne, d'années d'âmes, mis à l'ombre pour j'y peux commis. Dame anéantie dans la peine, les rimes, j'perds une pour mon potage. Écho illégal, au moins d'une MST. Vous aimez ce thème et mon style. Une MST, on pourrait détester. Boss l'esté, il faut qu'on se tire. Comprenez ce terme. Toi les cramer comme un externe grammaire à l'HP, et là je puis pas d'extase dans mes textes. Hélas quand je la pine à l'extase, ça l'état, c'est quand je la pime. MST transmise, pas d'état, j'étais en transmise. C'est la bim, je transmise, ferme plutôt que t'es transmis. Mon style pue en pub, pas d'étage, je t'en ai tant mis en deux minutes. Ça applaudit au bas d'échelle. Prendre le fer, Néon,